Comment direz-vous « Je pense qu'il peut le faire » ? Pienso que, oui, il peut le faire. Puede hacerlo. Bien, pienso que puede hacerlo. Hein? Donc, là, on emploie le présent. Puede. Pienso que puede. C'est exactement comme en français. Il peut. Je pense qu'il peut. En revanche, si vous dites « je ne pense pas qu'il puisse le faire », là aussi, comme en français, on va devoir employer le subjonctif. Donc, au lieu de « puede », on dira « pueda ». C'est ça, « pueda ». Donc, « no pienso que pueda hacerlo », dans le sens de « je ne pense pas qu'il puisse le faire ».